Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Alors avec un sujet particulièrement grave, dans ce magazine santé du troisième mardi du mois, je salue bien sûr Jean, mon partenaire habituel, et puis, Didier Henry qui est venu nous rejoindre. Nos auditeurs. Didier donc qui était chef de la maternité. On peut dire comme ça, hein, jusqu'à une période récente. Et donc, Jean et Didier sont maintenant en retraite, mais toujours actifs. Même s'ils n'ont plus de vie de praticien sur le terrain, il n'empêche quand même qu'ils s'intéressent aux problèmes, bien sûr, de santé, et puis aux problèmes de l'hôpital d'Ormirement. Sur le secteur, oui. Je rappelle aussi que ce magazine santé vous est offert par ADEMAT, hein, ADEMAT, donc Association pour la défense de la maternité de l'hôpital de Remiremont. Voilà, alors on va parler bien sûr de ce problème qui est particulièrement grave du cancer du sein, que André Cicolella, qu'on va évoquer un petit peu, que j'évoque là, qui en finir avec l'épidémie. Un livre. Alors, qui est André Cicolella? Il est chimiste, toxicologue, ancien conseiller scientifique à l'INERIS et enseignant de santé environnementale à Sciences Po à Paris. Il préside l'association Réseau Environnement Santé, à l'origine de l'interdiction du biphénol A dans les biberons et du perchloroéthylène pour le nettoyage à sec. On pourrait aussi... Je connais personnellement André Cicolella et je pourrais aussi, par rapport à son CV, en dire beaucoup plus. Mais enfin, c'est surtout quelqu'un qui s'occupe en ce moment, il a la retraite, mais de santé environnementale. On peut lui donner ce titre. Alors, son livre fait état de beaucoup de statistiques, d'études, de recherches qui ont été faites sur le cancer du sein, et puis bien sûr de déplorer cette épidémie, on peut le dire, hein, puisque si j'ai bien compris, j'ai lu son livre, si j'ai bien compris les choses, on a multiplié par 10 le nombre de cancers du sein en environ une génération, quoi. Oui, non. Un petit peu moins. D'écouteurs, ça passe tout à fait d'accord. Enfin, il y a eu très forte augmentation, c'est vrai. Il y a une très forte augmentation, mais cette augmentation est à mettre en partie sur le vieillissement de la population, puisque la fréquence du cancer augmente avec l'âge. Hein. Et puis, elle est en partie à mettre sur le compte de l'augmentation de la population. On est passé de 50 millions à 67 millions d'habitants récemment. Là. Et puis, 30% d'augmentation serait attribuable directement au génie évolutif du cancer du sein, enfin c'est une augmentation réelle, un tiers seulement. Mais enfin, les chiffres sont là, quoi. Les chiffres montrent quand même une augmentation régulière du nombre de cancers du sein. Oui. En fait, on peut dire que la charge mondiale globale du cancer du sein a doublé entre 1975 et 2000, et entre 2000 et 2030, elle va encore doubler. Donc ça fait quand même beaucoup de femmes. En gros, 1,8 million de femmes sont touchées au niveau mondial en 2013. Ça, c'était des chiffres en 2013, avec 46 400 décès liés au cancer. Donc, ce qui fait que c'est le premier cancer féminin sur 161 pays, de 161 pays sur 184. Et donc la moyenne en pays développés est de 80 pour 100 000 femmes. Et environ pour les pays en voie de développement, c'est moindre, c'est pratiquement la moitié, 40 pour 100 000 habitants. Voilà. Donc le mode de vie, notre mode de vie de consommation interfère directement sur le nombre de cancers. Des pays développés socialement et économiquement. Amérique du Nord, Argentine... et toute l'Europe du Nord. Le premier pays en fréquence, c'est la Belgique. Après, c'est le Luxembourg, les Pays-Bas, la France. Les Danois, la France, c'est quatrième. Alors, la France arrive en 13e position, avec 90 pour 100 000 habitants. Presque 100 000 habitants. Et c'est lié à notre mode de vie, certainement, puisque des populations à faible risque venant d'Asie ou d'Afrique qui ont immigré aux États-Unis ont vu leur risque en quelques années rejoindre le risque de la population locale. Donc, en adoptant le mode de vie d'un pays développé économiquement, on augmente son propre risque, même si on vient d'une région à faible risque. C'est remarquable quand même ça. Et sur le plan européen, on peut, le pays le moins touché, c'est la Bosnie, avec 37 pour 100 000 habitants. Et la Grèce. Il est vrai aussi, avec l'histoire récente contemporaine de ce pays-là, on peut dire que beaucoup d'adultes sont morts avant d'être atteints par une épidémie quelconque, par une maladie quelconque. Ah, c'est difficile de dire. Mais on peut dire aussi, par exemple, sur le plan mondial, le pays qui a le moins de cancers du sein, c'est le Bhoutan. Le Bhoutan, avec 4,6 pour 100 000 habitants, qui est très peu par rapport à la Belgique, qui est à plus de 110 pour 100 000 habitants. C'est fantastique. Et c'est quand même un pays qui est particulièrement original, puisqu'ils ont inventé le produit intérieur du bonheur. Oui, hein, je ne sais plus comment le titre exact, mais c'est véritablement une philosophie de vie aussi. Deuxième pays, c'est la Mongolie, qui est très faible. Et puis, il y a des régions de Chine qui sont inférieures à 10 pour 100 000 aussi, très très faibles, les régions rurales de Chine. Là, on retrouve aussi peut-être le régime alimentaire. Voilà. Bah aussi le stress mode de vie, aussi. Un mode de vie. Le stress aussi, oui. Le mode de vie. L'environnement... aussi du point de vue fréquence, en France, il y a des régions qui sont moins touchées que d'autres. Le fait d'être citadin, d'habiter Paris, on augmente le risque de 10% de cancer du sein. Par contre, vous habitez le Jura, le Morbihan, les Côtes d'Armor, le Cantal, votre risque, la Corrèze, l'Ariège, votre risque est inférieur à 10% à la moyenne nationale. C'est remarquable. Là encore, c'est des départements... Le Doubs, le Finistère. Oui. Hein? Oui, le Doubs a encore une population assez dense. Oui. Ouais. Hein? Par contre, le Finistère aussi, on peut le dire. Ouais. Par contre, les autres départements, c'est des départements ruraux. Relativement ruraux, oui. Peu citadins. Ouais. Oui, on pourrait citer par exemple l'Île-de-France. On a environ à 100 pour 100 000 habitants. La Franche-Comté... Qui nous rapporte de la moyenne de la Belgique. Oui, c'est vrai. La Franche-Comté à 80 pour 100 000. Et la Lorraine est en milieu de tableau à 90 pour 100 000. Donc c'est vrai que c'est quand même étonnant qu'on ait des écarts comme ça de région. Mais ça serait déjà très intéressant d'étudier vraiment de très près ces variations. Oui, parce que là, je crois qu'André Sicolella, en faisant d'ailleurs référence à des recherches qui ont été entreprises, à des études qui ont été entreprises, n'explique pas dans son livre ces différences, ou du moins... C'est extrêmement difficile, c'est notre mode de vie qui nous expose certainement à ce cancer du sein, mais c'est extrêmement difficile de faire la part des choses, d'environnement toxique, d'environnement chimique, du stress... Sur le plan radioactivité aussi. Sur le plan ambiante. Radioactivité, les vieux massifs comme les Vosges ou bien comme la Bretagne, ils ont quand même un taux de radioactivité beaucoup plus important que... Les massifs granitiques, oui. Et puis après, forcément, un corollaire, la présence de radon. Le radon dans les massifs granitiques, justement. Et puis ce qui intervient dans la fréquence aussi des cancers du sein, c'est... l'intervention humaine de dépistage. Si on fait une campagne de dépistage, on va trouver plein de cancers. Oui, parce que certains disent le nombre de cancers a augmenté, mais en réalité, c'est en grande partie dû au dépistage plus précoce qui permet précoce, de mettre en évidence des cancers qu'on n'aurait pas mis en évidence autrement. Plus efficace, oui. J'ai souvenir d'avoir été interne à l'hôpital de Gérardmer et d'avoir vu une patiente venir d'un petit village des Hauts-des-Vosges pour du pneumopathie grave. Elle ne pouvait plus respirer, du mal de respirer. On a voulu le scouter, elle ne voulait pas se déshabiller. Puis finalement, en insistant un petit peu, on a réussi à la déshabiller. Et là, elle avait un cancer du sein qui lui prenait toute la peau du thorax. et elle avait des métastases pulmonaires, et elle est morte la nuit suivante. Si elle était restée à la maison, elle serait morte, et peut-être qu'on n'aurait même pas trop fait le diagnostic de cancer. Mais parce que elle est arrivée le jour où elle est morte. On sait quand même à peu près... C'est des cas d'exception, ça. Mais je parle des années 70. Oui, donc on devait sous-estimer certainement la fréquence de certaines maladies. On savait quand même déjà dès cette époque-là, à peu près, les statistiques étaient quand même fiables sur les causes de mortalité. Par contre, on ne savait pas, au départ, pourquoi les personnes étaient malades. Pas forcément, il n'y avait, pas d'études épidémiologiques suffisantes pour connaître à peu près l'état de morbidité d'une population. Alors le dépistage intervient dans la fréquence. C'est-à-dire que quand on met en route une campagne de dépistage, on voit artificiellement monter le nombre de cancers. Puis ensuite, quelquefois à tort d'ailleurs. On parle quelquefois de surdiagnostic, mais ces diagnostics sont quand même des diagnostics histologiques, sur des biopsies, des ponctions à l'aiguille, des biopsies. À partir du moment où il y a des cellules cancéreuses, faire le pari de ne pas traiter en disant que c'est peut-être un surdiagnostic, ce cancer ne va peut-être pas évoluer. Enfin, si j'étais porteur d'une telle lésion, je pense que je me la ferais enlever quand même. Oui, je pense que là, c'est vrai que le problème du surdiagnostic a été évoqué il y a déjà quelques années. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile de dire à quelqu'un, écoutez, vous avez un tout petit cancer de rien du tout, mais on va vous le laisser, on va le surveiller. Je pense qu'effectivement, les gens, ils préfèrent le retirer, ils ont raison. Je veux dire, on ne sait jamais à quel type de cancer, que l'évolutivité du cancer ne dépend pas que du cancer, il dépend aussi du terrain. Oui. Hein? Et donc, d'autant plus que... Le stress post-opératoire n'est-il pas du même générateur peut-être. On n'a pas de preuves. Ça, on ne sait pas quantifier l'effet du stress sur la santé. Quoi. Mais, d'autant plus que quand on fait du dépistage, on diagnostique des tout petits cancers de moins d'un centimètre. J'ai souvenir qu'on a fait des diagnostics de cancer de 5-7 millimètres. Mais ils guérissent à 100%. Oui. Ils guérissent 100% de guérison. Il n'y a pas de mortalité dans ces cancers-là. D'où l'intérêt de faire un diagnostic ou un dépistage, voire un diagnostic très précoce. Le dépistage, c'est quand il n'y a rien du tout. Le diagnostic précoce, c'est quand on sent une toute petite boule, très tôt. Il faut s'en occuper très vite. Il y a toujours, pour le grand public, pour les profanes dont je suis, quand même, une interrogation. Combien de temps se passe-t-il entre les premières mutations de cellules, l'apparition au grand jour du cancer ? C'est une excellente question, parce que c'est vrai qu'on s'est penché. Alors, bien sûr, il y a toujours différents types de cancers. Il y a des cancers qui sont plus évolutifs que d'autres. Mais d'une manière générale, une tumeur de 1 cm, depuis combien de temps évolue-t-elle ? 10 ans. 10 ans. 10 ans. Oui. Passer de 0 à 1 cm, on le dit. Donc sur le plan... Alors, on prend sur le plan évolutivité de la tumeur, une évolutivité moyenne. Mais, et puis c'est vrai qu'il faut... Ça va dépendre du sujet, et ça peut-être on va en parler, mais du type de cancer. Parce qu'il faut savoir qu'on a en gros 4 types de cancers. Vous avez ce qu'on appelle les cancers basal-like. Alors, j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Vous avez les cancers HR2 positifs. Et vous avez aussi les cancers triple négatifs. Et vous avez les cancers hormonodépendants. Et à ce moment-là, donc, c'est du cancer du sein, tout ça. Oui, tout ça, c'est le cancer. C'est, donc, il y a des variétés de cancers. Donc, suivant ces variétés de cancers, ils ont une évolutivité plus ou moins rapide et plus ou moins dangereuse, avec un risque de métastase qui est différent suivant le type de cancer. Et surtout, actuellement, on est en train d'adapter des traitements à chaque type de cancer. Il y a des traitements qui seraient surdimensionnés pour des cancers peu évolutifs et des traitements qui seraient sous-dimensionnés pour des cancers très évolutifs. Donc c'est très important de caractériser sur le plan cellulaire, sur le plan hormonal, sur le plan des récepteurs, des cellules cancéreuses, le type de cancer dont il s'agit. Alors il y a ça déjà, il y a le type de cancer et ensuite il y a le stade. Et l'hérédité. Alors... Oui, alors ça, on rentre dans les facteurs de risque, ça. D'accord, on va en parler. On en parlera, justement. Mais donc pour en revenir, justement à la caractérisation d'un cancer du sein, vous avez donc la forme histologique hein, au moment de la découverte, la taille. C'est-à-dire la taille, l'expression des récepteurs ou non, récepteurs à la progestérone, aux œstrogènes ou l'HR2, la présence d'HR2 ou pas. Et après ça, on fait ce qu'on appelle une stadification. C'est-à-dire que le jour où on fait un diagnostic de cancer, ben ça dépend du stade. Alors vous avez le stade 1, le stade 0. Le stade 0, c'est la tumeur qui se trouve à l'intérieur des canaux, sans dépasser le tissu conjonctif des canaux. Ensuite, vous avez le stade 1, 2, 3 et 4. Donc le stade 1 et 2, ben, c'est inférieur de 0 à 2 cm. Le stade 3, c'est jusqu'à 5 cm. Et le stade 4, il y a des métastases. Donc avec tout ça, on arrive à faire une sorte de pronostic du cancer. Et c'est selon tous ces critères-là qu'on arrive à traiter. Alors on arrive au traitement. C'est récent, ça. C'est récent, cette méthodologie. Ah non, ça c'est depuis des lustres. Oui. Mais bon, ça a été... On arrive vraiment à déterminer... Un traitement adapté ces stades et un traitement adapté à chaque stade. Cette évolution. Oui. Voilà. C'est processus évolutif. Et grâce à des statistiques, des essais thérapeutiques, on sait quel est le meilleur traitement adapté pour chaque stade. Et c'est extrêmement bien protocolisé, même sur le plan national. C'est-à-dire que toute femme doit avoir... Pour un stade donné, un degré d'évolution donné, un type de cellule donné, doit avoir le même traitement partout en France. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cancérologues qui travaillent tout seuls. Les cancérologues travaillent en équipe, en réseau, avec des protocoles nationaux. Hein, c'est-à-dire que chaque cas est présenté à une conférence de consensus, un petit c'est peu, ça, si oui. vous voulez. Et, oui. et ensuite, de ce, un ensemble de médecins, de scientifiques, à partir de ce cas donné, préconise un traitement adapté. Mais in fine, c'est qui décide du traitement ? Eh bien, c'est une décision médecins. Qui est groupée. C'est-à-dire que dans l'équipe que vous avez de consensus, vous avez des cancérologues, vous avez des chirurgiens, vous avez des radiothérapeutes et des vous avez aussi des histologistes, hein, des biologistes. Et tous ces gens-là se réunissent et puis disent, voilà, on a affaire à tel cancer, d'un tel stade. Ça peut être le cas, par exemple, dans un hôpital. C'est le cas actuellement. C'est ce qui se passe. Nous, à Armirmont, on travaillait avec Épinal, le centre de cancérologie d'Épinal. D'accord. Donc, on se voyait par visioconférence tous les mardis après-midi. On se réunissait. Et puis, on présentait les cas. Alors, les cas, donc, on présentait à la fois l'histologie, à la fois le stade, à la fois le patient et tout ça. Et puis, on décidait tous ensemble s'il fallait d'abord de la chirurgie, s'il fallait de la radiothérapie, s'il fallait de la chimiothérapie, les trois ensemble. Et si, par exemple, il y avait besoin de chimiothérapie, de savoir, selon la taille de la tumeur, si on commençait par la chimiothérapie ou bien si on terminait par la chimiothérapie. Et puis aussi, également, l'hormonothérapie, puisque vous avez la moitié des cancers sont hormonodépendants. Donc, à ce moment-là, on donne une anti-hormone pour lutter contre justement la tumeur qui est hormonodépendante. Et je crois que cette méthode de travail... C'est administré par... Cette méthode par voie intraveineuse, c'est administré comment ? C'est la chimiothérapie, oui. C'est anti-hormone. Par voie orale. Non, l'anti-hormone, c'est des comprimés. C'est par voie orale. Mais pour revenir à ce type de protocole, c'est une excellente garantie pour les patients d'être traités au mieux des connaissances de la science actuelle. Ce n'est pas un médecin fou tout seul qui va dire « Tiens, je vais la traiter comme ceci ou comme cela ». Il n'y a pas de... ça ne se fait pas au feeling, ça se fait vraiment scientifiquement et sur une assemblée de médecins, de scientifiques. Et ça évolue constamment, je pense. Mais, à la lumière des connaissances. Tous les ans, il y a des conférences annuelles. Ben, c'est ce qu'on appelle. C'est l'ASCO, ce qu'on appelle l'ASCO. Société française de sénologie fait une réunion annuelle. Pour remettre en place les protocoles. J'ai posé une question un peu provocante. Est-ce que les patientes, parce qu'on va parler de patientes, il y a quelques hommes, paraît-il, qui vivaient atteints d'un cancer du sein, hein, même si les seins ne sont pas très développés. Est-ce que les patients sont associés à leur traitement? Alors, normalement, logiquement, dans les conférences, conférences qu'on a régulièrement, ils peuvent assister à la conférence s'ils veulent. Bon, souvent, moi, j'ai proposé, mais ils n'étaient pas intéressés. Ça peut être traumatisant aussi. Ouais. Ils préféraient qu'on les voit en consultation juste après pour leur expliquer ce qui s'est passé et pourquoi on fait ça. D'accord. Ah mais oui, normalement, ils ont le droit. Il y a une explication, véritablement, le patient qui est associé à son traitement. Il y a un résultat après, c'est-à-dire que la patiente, on la voit et on lui explique, écoutez, on a tous discuté ensemble, on pense que pour votre cas, le meilleur résultat sera obtenu par tel type de traitement et dans telle séquence, et quelle telle dose. Je pense que c'est quand même une garantie pour les patientes d'être traitées au mieux des connaissances de la science. Et ces protocoles sont actualisés régulièrement, hein, Mais on voit, par exemple, que, je veux dire, même le chirurgien n'a pas son mot à dire. Par exemple, je prends un exemple. Vous opérez une femme de son cancer. Et le biologiste, en examinant la tumeur, trouve que la coupe chirurgicale, passe trop près de la tumeur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, normalement, on devrait avoir une marge d'au moins 2 mm. Si ça passe à 1 mm, hein, on a quand même bien tout retiré, mais on n'est qu'à 1 mm, il sera dit au chirurgien, vous devez reprendre votre patiente pour la réopérer, pour être sûr qu'on n'en a pas laissé. Et ça, c'est très frustrant pour un chirurgien. Moi, j'en ai opéré beaucoup. J'en ai eu quelques-unes où on m'a dit, bon, écoutez, voilà, votre tumeur, vous l'avez bien retirée, mais la coupe passe trop près de la tumeur. Vous êtes obligé de la reprendre. Donc après, c'est à la prochaine consultation, on est obligé d'expliquer à la patiente, écoutez, voilà, on est passé trop près, on est obligé de reprendre la zone pour en prendre un peu plus. Mais là, dans ce type de chirurgie, je crois que quand même les plateaux techniques ont fait d'énormes progrès. Ah ben oui, oui, maintenant... Ça ne peut jamais être à 100%. Si, quand même, parce que normalement, on doit maintenant, avec les techniques qu'on a qui s'appellent de l'oncoplastie mammaire, on arrive maintenant à reconstruire le sein tel qu'il était une fois qu'on a retiré la tumeur. Et justement, alors bien sûr, c'est très difficile quand on a des tumeurs de gros diamètre ou alors des tumeurs de petit diamètre, mais dans des petits seins, parce que ça déforme un peu le sein. Mais d'une manière générale, en moyenne, on arrivait toujours, moi je me souviens, t'es toujours à peu près arrivé à remodeler le sein après la chirurgie. Et tout en déplaçant le mamelon, on déplace le mamelon, on va chercher la tumeur, on répare et on remet le mamelon. On fait comme ça des interventions et les patientes sont souvent très contentes. Pour parler de la chirurgie, la mastectomie, c'est-à-dire l'ablation du sein, devient relativement rare. C'est moins de 30% actuellement. Oui, bien moins des cas particulièrement graves, aigus, on pourrait dire. Hein, une tumeur qui s'est développée de manière... Oui. Les tumeurs d'évolution rapide importantes sont plutôt sensibles à la chimiothérapie au départ. Avec quelquefois, bien sûr, les vaisseaux lymphatiques qui sont... Alors, on doit, de toute façon, chaque fois qu'on opère un cancer du sein, on doit systématiquement regarder le creux axillaire pour savoir si la tumeur, même petite, n'a pas essaimé dans les selles. Dans les ganglions de la selle. Donc, on est obligé de faire ce qu'on appelle une analyse du ganglion sentinelle en même temps qu'on fait la chirurgie. C'est le premier ganglion de la selle. Voilà. Voilà. Donc, s'il est envahi ou pas. On analyse ce ganglion. Et si le ganglion est atteint, à ce moment-là, on est obligé de faire un curage axillaire. En cours d'intervention chirurgicale. L'histologiste vient, on lui donne ce ganglion. Après l'intervention, évidemment. Non. En cours d'intervention. L'intervention se terminera de manière différente selon que ce ganglion est envahi ou pas. S'il est envahi, on va poursuivre le curage de manière plus complète au niveau axillaire. Ça peut être invalidant. Alors le problème, c'est-à-dire qu'autrefois, on retirait un maximum de ganglions et automatiquement, on avait une fois... sur deux, voire des fois deux fois sur trois, un gros bras, ouais. Avec donc une augmentation du volume du bras. La circulation lymphatique, alors que ces ganglions n'étaient pas forcément atteints au départ. Donc c'était un surtraitement qui n'était pas utile. Maintenant, c'est plus rare. En cours d'intervention, on ne le fait que si ce ganglion est atteint, donc si c'est vraiment nécessaire. Et on peut déterminer avec certitude, par exemple, qu'il y a... Oui, il y a des statistiques, des études qui ont été faites qui montrent que c'est aussi efficace avec moins d'effets secondaires. Donc moi, on a maintenant beaucoup moins de gros bras, comme on dit, après le traitement d'un cancer du sein. Mais il en persiste encore parce qu'il y a des fois, quand la tumeur est trop importante, donc on est obligé déjà de faire une mammectomie. Et la mammectomie, et pendant la mammectomie, on fait le curage axillaire. Et souvent, ça dépend du nombre de ganglions. On peut des fois avoir 20, 25, voire 30 ganglions d'atteint. Et dans ces cas-là, souvent, on se retrouve avec un gros bras. Mais bon, c'est un petit peu le prix quelque part à payer avec ce bras un petit peu gros pour avoir enlevé la totalité de la maladie locale. Quoi, Et pouvoir survivre dans des conditions acceptables. Ouais. Et surtout, il y a des traitements de kinésithérapie. Si vous voulez bien, on va peut-être s'accorder une pause musicale, hein, parce que là, on a parlé du traitement, il faudra peut-être parler des facteurs de risque. Oui. Voilà. Dépistage, facteurs de risque. On s'ennuie tellement. On s'ennuie tellement. On s'ennuie tellement. On s'ennuie tellement, alors la nuit quand je dors, je pars avec Théodore dehors, dehors, dehors, dehors. Marcher dans le désert, marcher dans les pierres, marcher des journées entières, marcher dans le désert, dormir dehors, coucher sur le sable d'or, les satellites et les météores, dormir dehors. Il faut un minimum, une Bible, un cœur d'or, petit gobelet d'aluminium. Il faut un minimum. Si loin de la nature ici, le cœur durci. On est si loin de l'air, on est si loin du vent, du grand désert, si loin de l'océan. Alors la nuit quand je dors, je pars avec Théodore dehors, dehors, dehors, dehors. Marcher dans le désert, si loin d'aluminium. On s'ennuie tellement. On s'ennuie tellement. On s'ennuie tellement. On s'ennuie Eh bien voilà, nous reprenons l'antenne. Je vous rappelle que nous sommes sur Radio Guémozo dans ce magazine santé, le troisième mardi du mois. Ah bon, c'est bien ça. Oui, au fait, dans notre magazine santé, on souhaite bien sûr une bonne année et puis une bonne santé à nos auditeurs. On n'a pas encore l'occasion de le faire. À toutes et à tous. On dit toujours qu'on a tout le mois de janvier. Alors, tu voulais parler, Didier, encore du dépistage ? Avant qu'on aborde les facteurs de risque, parce que c'est vrai que une fois qu'on a développé les statistiques, une fois qu'on a parlé des études, une fois qu'on a parlé des traitements, il est quand même bon, certainement, puisque dès le départ, on a parlé des différences qu'il pourrait y avoir entre pays, qui proviennent certainement du mode de vie et de consommation qu'on peut avoir, donc on pourra aborder ces facteurs de risque. Alors peut-être avant de parler du dépistage même, on pourrait parler de prévention, puisque la prévention, je vous rappelle qu'il y a plusieurs types de prévention. Il y a la prévention primaire, qui est l'ensemble des actes destinés à diminuer l'incidence d'une maladie ou d'un problème de santé. Donc la prévention primaire, elle consiste à agir en amont pour éviter l'apparition de la maladie. Alors éviter de l'apparition de la maladie, ça veut dire qu'il faut peut-être déjà connaître les facteurs de risque et d'agir sur ces facteurs de risque. Et puis ensuite, vous avez la prévention secondaire. Alors la prévention secondaire, c'est diagnostiquer un stade précoce des maladies qui n'ont pas pu être évitées par la prévention primaire. Donc l'essentiel pour le cancer du sein de la prévention secondaire, c'est la mammographie, le dépistage par la mammographie. Donc, il permet de détecter une maladie avant l'apparition des symptômes. Et puis, en fait, vous avez après ce qu'on appelle la prévention tertiaire, qui consiste en l'ensemble des actes destinés à diminuer la prévalence des incapacités chroniques ou du handicap et de l'incidence des rechutes. Et c'est ce qu'on trouve, par exemple, quand on a quelqu'un qui se faisait autrefois opérer et à qui on retirait des ganglions et qui se retrouvait avec un gros bras. Eh bien, la prévention tertiaire, elle a joué beaucoup avec l'apparition du ganglion sentinelle. Quand on a recherché le ganglion sentinelle, on évitait de faire des curages et des curages axillaires pour rechercher tous les ganglions, et ce qui a fait nettement diminuer l'apparition de ce qu'on appelait des gros bras, du lymphœdème exactement. Voilà. Donc si vous voulez, on peut parler du facteur de risque, Donc je passe la parole à mon collègue, le docteur Tisserand. Oui, actuellement en France, il y a une femme sur 8 qui a ou qui aura un cancer du sein. Il y en a 58 000 par an. Et 58 000 cancers du sein par an en France. Horizon 2050... André Sicolella parlait peut-être d'une femme sur 3. Ça veut dire qu'une petite fille qui naît actuellement a une chance sur 8 de développer un cancer du sein. C'est énorme. Et ça pourrait s'accentuer dans les décennies qui viennent. Ça peut. C'est la tendance actuelle, légère, mais régulière. Et on sait que sur ces 58 000, 20 000 cancers du sein pourraient être très évitables en évitant ces facteurs de risque. Un des premiers facteurs de risque, c'est l'alcool. 15% des cancers du sein seraient liés à une surconsommation d'alcool. Certainement par le biais de problèmes hépatiques qui interfèrent avec le métabolisme des hommes. Davantage que le tabac. Le tabac, c'est 5% des cancers du sein. Et l'alcool, ce serait 15%. On sait que le surpoids, l'obésité serait responsable de 8% des cancers du sein. L'IMC. Que 4% seraient liés à une alimentation pauvre en fibres. Que 3% seraient liés à des traitements hormonaux, en particulier le traitement hormonal de la ménopause. Et ce traitement hormonal de la ménopause a été relativement systématique jusqu'en 2003. En 2003, il était arrêté et on a vu régresser... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on paye... Peut-être un petit peu des traitements hormonaux. Les conséquences de ces traitements hormonaux, qui avaient d'énormes avantages par ailleurs sur le plan cardiovasculaire, sur le plan cérébral. Donc c'est... Il faut faire en fait le choix... C'est un choix. On avait fait trop augmenter les cancers du sein, ça a été arrêté presque complètement. Et on a vu les cancers du sein régresser chez les patients de plus de 60 ans, par exemple. Une question par rapport au traitement de la... des troubles de la ménopause, est-ce qu'on ne peut pas se diriger vers de la phytothérapie? Oui, oui, mais la phytothérapie, le problème de la phytothérapie, c'est qu'on a des œstrogènes dans les phytothérapie. Donc, oui, bien sûr. Ça redevient des traitements hormonaux. Voilà. Donc, prendre du soja ou des choses comme ça, dedans, il y a quand même des œstrogènes. Donc, on risque d'avoir les mêmes effets que les œstrogènes administrés dans les traitements classiques. 3% des cancers du sein seraient liés à un allaitement maternel inférieur à 6 mois. 3% seraient... Et là, on retrouve aussi, j'allais dire, presque une mode de vie qui tient encore... C'est encore le cas aujourd'hui, qui préconisait plutôt... Mais on revient quand même beaucoup à l'allaitement maternel. Le problème aussi, c'est que dans les pays à haut niveau de vie, maintenant, les femmes, ce qu'elles veulent, elles veulent travailler, elles veulent faire des études. Donc elles repoussent leur grossesse le plus souvent au-delà de 30, 35, 35 ans, 40 même des fois. Alors, et là, c'est un facteur de risque qui s'ajoute. Oui. Il y a, paraît-il, des entreprises en Californie qui vont jusqu'à congeler des ovules on touche quand même là un mécanisme qui c'est un petit peu dangereux. Je pense qu'on joue un petit peu dangereux. On joue avec quand même. Donc la première grossesse tardive est un facteur de risque de cancer du sein, de même que le fait d'avoir peu d'enfants. Ou d'avoir une ménopause tardive ou une puberté précoce, c'est-à-dire qu'une période où la femme est soumise à ses hormones naturelles plus étendues, c'est un plus facteur longtemps. De risque de cancer du sein. Quand on a une ménopause tardive après avoir eu une puberté précoce, la durée d'exposition aux hormones est allongée automatiquement. Et ça joue donc pour l'apparition du cancer du sein. Dans les autres facteurs favorisants, on a cité l'habitat urbain, hein, le travail de nuit. Le stress. Et puis des choses plus rares comme des enfants qui ont subi des irradiations pour des cancers, par exemple, sur le thorax. Maladie de Hodgkin, des choses comme ça, font plus de cancers après. Voilà un petit peu... Et puis, les affections bénignes du sein. Des femmes qui ont été opérées d'affections bénignes du sein multiplient par 5 le risque de cancer du sein plus tard. Alors bien sûr, il y a d'autres facteurs de risque, et ceux-ci sont quand même prépondérants. C'est déjà l'âge, parce qu'il faut savoir qu'avec l'âge, automatiquement, le risque de cancer augmente. Mais il y en a aussi qui est surtout très, très important, c'est les antécédents familiaux, avec la prédisposition génétique. Et donc il faut savoir que 10% des cancers du sein sont dus à des facteurs génétiques. Alors dans ces facteurs génétiques, il y a aussi la présence à l'analyse de l'ADN, donc dans le karyotype des patientes, du gène BRCA1 et BRCA2. Il faut savoir que chez ces familles où on retrouve plusieurs cancers du sein, systématiquement maintenant, on recherche la présence du gène BRCA1, BRCA2, de ces deux gènes-là. Et quand ils sont présents, vous avez un risque de cancer du sein qui est de 70% pour le BRCA1, un peu moins pour le BRCA2. Mais il faut aussi savoir que ces femmes... Elles peuvent aussi faire un cancer de l'ovaire, donc à environ à 30 ou 40% du fait de la présence de ce gène muté BRCA1 et BRCA2. Alors ils ne sont pas tous connus ces gènes, c'est-à-dire qu'on a des familles à très haut risque où il y a 3-4 personnes apparentées au premier degré qui ont fait des cancers du sein et qui sont négatifs sur le plan de la recherche génétique. Mais... on retrouve peut-être là aussi facteurs comme les perturbateurs endocriniens, oui. Non mais c'est-à-dire parce qu'il y a quand même des générations qui ont été exposées, par exemple, au DDT ou à d'autres. La génétique n'explique pas tout. C'est-à-dire qu'un gène, une femme porteuse d'un gène a peut-être 70% de risque de faire un cancer du sein, mais il lui reste 30% de risque de ne pas en faire. Et pourquoi ces femmes n'en font pas? C'est parce que l'environnement peut-être alimentaire, de conditions de vie, d'absence de surpoids, absence de tabac, permet d'éviter justement ce cancer. Tout n'est pas vraiment génétique. Alors justement, on arrive dans un domaine qu'on commence seulement à comprendre ou à analyser. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique joue aussi un rôle assez important. De l'environnement, voilà. Alors, donc, cet environnement, en fait, joue sur, au niveau de l'ADN par une modulation de l'expression des gènes. Et donc, c'est là qu'on arrive aussi à dire qu'il y a des cancers qui seraient peut-être génétiques, mais on n'en a pas la preuve, si vous voulez. C'est pour ça, quoi, en fait. Une répétition de facteurs de risque chez une patiente peut très bien, par l'épigénétisme, induire un cancer du sein qu'on retrouvera dans la famille chez les descendants ultérieurs. C'est-à-dire que le gène ne s'exprime... Parce que à un moment donné, la maman a été exposée... Oui, c'est-à-dire que... Ou le bébé, ou même le fœtus est exposé à des agents cancérogènes, on peut le dire comme ça. Voilà, on peut le dire, tout à fait. Et dans une modification du gène avec les générations en fonction des conditions de vie. C'est-à-dire que le gène, c'est le programme informatique, en gros, hein, mais ce programme informatique peut ne pas s'exprimer, peut être bloqué par les conditions de vie, peut être déclenché par les conditions de vie. Parce que quand même, au-delà du... De l'empreinte génétique, j'allais dire, les différences entre pays, entre populations, s'expliquent aussi par des expositions. Oui, certainement. Il y a des... Alors, quel facteur de risque à l'exposition ? Je reviens un moment sur l'épigénétique. En fait, c'est les cellules. Les cellules se différencient les unes des autres par le prisme de l'épigénome, qui est un mode de lecture des séquences d'ADN. C'est-à-dire que quand vous avez une cellule qui mute, disons, qui se divise pour donner une autre, oui. Vous avez une lecture qui se fait par des gènes, une lecture de l'ADN qui se fait. Et si jamais, par exemple, il y a eu une petite modification dans la lecture du gène, automatiquement, vous avez une mutation qui se met en place. Et c'est l'ensemble des modifications de l'expression des gènes, sans modification de la séquence d'ADN, qui donne ce problème. C'est un petit peu la carte mère de l'ordinateur, quoi. Oui, c'est un peu ça, c'est un bug. C'est comme un bug si on compare ça avec... Ça n'a rien changé dans la séquence d'ADN. Mais elle est lue différemment. Et c'est ça le problème de l'épigénétique. Et cette épigénétique, elle peut être due à plusieurs facteurs, notamment des facteurs externes, qui peuvent des habitudes alimentaires, des habitudes ou une exposition à des facteurs chimiques ou des choses comme ça. Oui, parce qu'on ne peut quand même pas expliquer que cette épidémie... De cancer du sein uniquement par un dépistage plus précoce, etc. Non. Je crois que quand même l'ampleur est telle, la différence est telle entre le Bhoutan et la Belgique. C'est ce qui est démontré dans le livre d'André Sicola, qu'il faut quand même rechercher d'autres causes. Non, mais les causes, enfin, je veux dire, le mécanisme de la cancérogénèse est quand même très, très important parce que finalement, la recherche a montré qu'il existait trois types de gènes qui pouvaient déboucher sur le cancer. Vous avez des gènes suppresseurs de tumeurs, c'est-à-dire que nous, on en fabrique des tumeurs tous les jours. Bien sûr. Et vous avez donc des gènes qui les suppriment. Qui détectent. Donc vous avez les gènes suppresseurs de tumeurs. Vous avez des gènes de réparation de l'ADN et vous avez ce qu'on appelle des gènes proto-oncogènes. Et ces trois gènes différents donc, agissent au niveau de l'épigénétique pour justement faire en sorte que finalement l'individu reste en bonne santé. C'est-à-dire qu'il y a les défenses, on peut les appeler immunitaires, du corps qui permettent Oui, un peu, c'est un peu comme comparaison. On peut effectivement comparer une cellule cancéreuse avec l'immunité. À son génome qui s'est modifié et d'autres cellules dans le corps sont aptes à reconnaître ce qui n'appartient pas à ce corps-là et à le rejeter. Et comme l'ADN n'est plus conforme, elle peut être rejetée, détruite très tôt. Et on fait ça tous les jours, tous. Je pense, Sauf que ces mécanismes peuvent s'enrayer, peuvent devenir moins fonctionnels, et à ce moment-là, on devient. On a là l'apparition. Des tumeurs. Des tumeurs, oui. Il y a BRCA1, BRCA2, c'est des gènes de susceptibilité, mais il y a P53 qui est aussi... Aussi, c'est pareil. C'est pareil, qui est, mais qui joue plus dans, justement dans la répression des tumeurs. Et quand on n'a plus ce mécanisme-là, on développe des cancers. Voilà. Donc on peut penser que l'avenir, ça sera justement de déterminer... Alors, on détermine de plus en plus au niveau cellulaire l'ADN des cellules et les protéines fabriquées par ces cellules cancéreuses. Et connaissant extrêmement bien ces cellules, on peut agir directement sur les mécanismes causaux. Il y a des traitements qui sont d'ailleurs très coûteux actuellement, mais qui sont des traitements, je dirais, individualisés des cancers du sein. C'est l'avenir. De tous les cancers. De tous les cancers, oui. Mais en matière du cancer du sein, on est plus avancé dans ce genre de recherche actuellement. Le bien traitement sûr, individualisé lié à la cellule cancéreuse, est-ce qu'elle... Son gène, est-ce qu'elle, avec ses gènes, les protéines qu'elle fabrique. On fait des protéomes, on étudie les protéines, et ça permet de caractériser la cellule et de la connaître mieux et de savoir comment la combattre. Voilà. Alors, les perturbateurs endocriniens. Alors, justement, j'allais en venir parce que, effectivement, la cellule, le corps, finalement, et l'ensemble des cellules est sensible à différents. Enfin, on peut dire, et on le sait, que il y a des périodes dans la vie d'une femme où elles sont beaucoup plus sensibles à certains facteurs, notamment les perturbateurs endocriniens. Et c'est donc au moment de la puberté et au moment de la ménopause que ces femmes-là sont beaucoup plus sensibles. Alors il y a des facteurs qui jouent de manière très importante, c'est donc ces fameux perturbateurs endocriniens. Alors qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien ? En fait, c'est une substance qui imite une hormone et qui vient s'interférer dans le fonctionnement justement de la cellule par le biais d'une substance chimique qui imite l'hormone, qui stimule, alors qu'il n'y a pas lieu de stimuler hormonalement parlant. Ce qui fait que la cellule se multiplie ou se développe de manière exagérée. Et c'est un facteur de cancérogenèse. C'est en quelque sorte une surcharge. Un accélérateur. C'est un accélérateur. Voilà, c'est un accélérateur. Oui. C'est-à-dire que le perturbateur endocrinien, la substance chimique, vient s'imbriquer à la surface du noyau. Qu'on appelle, il y a des récepteurs au niveau du noyau, et ces récepteurs, une fois qu'ils sont chapeautés par la substance chimique, se mettent en branle pour donner un effet au niveau de la cellule. Et c'est souvent un effet de multiplicateur qui fait que tôt ou tard, ça devient une tumeur, quoi. Voilà. Alors la période fœtale était aussi une période à risque pour les perturbateurs. Période in utero. C'est très très important, la puberté et la ménopause. C'est pour ça qu'on dit aux femmes enceintes de faire très attention à leur nourriture, pas d'alcool, pas de tabac, une hygiène alimentaire et une hygiène habituelle, pas de stress et tout ça, parce que ça, intervient sur l'enfant, hein. C'est clair. Voilà, je ne vais pas poser la question de savoir s'il est... Si les futures parturientes, elles suivent véritablement les prescriptions des médecins, des gynécos. Si, je pense que si, parce que oui. Les femmes sont motivées par leur grossesse. Et, zéro tabac, zéro alcool, zéro médicament. Je crois quand même que c'est le tabac le plus... le plus difficile à éradiquer. C'est une dépendance. On en a déjà parlé avec longuement, mais lors d'une précédente on joue beaucoup émission. Sur le développement pondéral du fœtus, sur le développement de son cerveau, sur le volume. On a des retards de croissance des bébés tout petits à cause du tabac, hein. C'est, y compris leur cerveau, hein, ce qui pose quand même des problèmes. Oui. On va s'accorder une dernière pause musicale. Hein, je crois que tu as sélectionné Elvis Presley. Oui. Toujours amateur des vieux rock des années 60. Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete. And I love you so. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Bien, nous reprenons l'antenne. Bon, ça fait plaisir de redécouvrir Elvis Presley. C'est quand même notre génération de jeunesse. Oui, on parlait des perturbateurs endocriniens dans les minutes qui nous restent pour, sans vouloir tout détailler, parce que bien sûr, ça serait beaucoup trop long. Hein. Je crois qu'on en recense des dizaines, oui, voire des centaines, potentiels, dont on ne connaît encore pas trop le... Il y en a le mécanisme sur l'organisme. On a quand même, je crois, par an, je ne sais plus, 3000 à 4000 nouvelles molécules chimiques. Et on ne sait pas, finalement, si elles n'agissent pas en tant que perturbateurs endocriniens. On en connaît beaucoup, donc par exemple les principales qui sont le bisphénol A et autres, mais on ne les connaît pas toutes. Et le problème des perturbateurs endocriniens, qu'ils agissent même à petite dose, à très petite dose. Et qu'il y a un effet, ils ont un effet cumulatif aussi, oui, qui peuvent interférer. Et quelquefois à long terme. Sans parler des effets cocktails, plusieurs perturbateurs. Oui, effets cocktails. Quelquefois à long terme, quand il y a une exposition chez le fœtus, on découvrira beaucoup plus tard que les effets secondaires. Et puis là, je pense que les études épidémiologiques sont impuissantes à déterminer ça. C'est extrêmement compliqué, difficile. Oui. Il faudrait vraiment individualiser les facteurs de risque pour les connaître. Quand on parle du cancer du sein et notre mode de vie à l'occidental, ça recouvre certainement un certain nombre de molécules perturbateurs endocriniens. Ignorer la pollution ou autre, c'est notre mode de vie. On vit avec, mais on ne les connaît pas forcément. Et les pesticides. Les pesticides, surtout, oui, aussi. C'est des perturbateurs endocriniens. Et alors, nous, par exemple, quand on a commencé nos études, il y a déjà un moment, hein, maintenant, il y en avait un qui est rentré aussi beaucoup dans ce cadre-là, c'est le distilbène. Ah oui. Le distilbène, rappelez-vous, ça donnait des cancers du sein, ça donnait des cancers... des cancers de la vulve. Et le problème, c'est que ça affectait non seulement celui qui prenait le distilbène, mais aussi le fœtus, et ça passait d'une génération à l'autre. On a retrouvé des hypospadias, des malformations. Alors, à quoi le distilbène? C'était un traitement qu'on donnait chez les femmes qui avaient du mal à garder leur enfant. Elles faisaient des fausses couches à répétition. Ça a marché, mais il y a eu des effets secondaires extrêmement lourds. sur plusieurs générations. Parce que les enfants de ces femmes-là ont fait ce qu'on appelle des hypospadias, des malformations génitales. On a l'impression quand même que lorsqu'on introduit dans le corps humain de la chimie, particules chimiques, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Non, c'est pour ça justement qu'il faut prendre un minimum de médicaments. Il faut faire attention aux associations de médicaments et en prendre un minimum quand vraiment c'est très très nécessaire. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on commence un peu, et ça pour moi c'est à faire attention à tout ce qui est produits cosmétiques. Et aussi l'industrie des plastiques. Oui. Pas de cosmétiques chez la femme enceinte, par exemple. Mais pas de cosmétiques du tout. Non, ça a été, la HAS l'a dit une seule fois, et puis ne l'a plus redit, peut-être, parce que les lobbies ont peut-être joué. Mais ça a été dit. Ça a été dit et recommandé. Même des cosmétiques naturels. Ah, si il en existe. La peau est un excellent moyen d'absorber des tas de médicaments, des tas de substances toxiques. Oui. Et on ne s'en rend pas compte. Et c'est une habitude. Il faudrait qu'on parle un petit peu de l'auto-examen de ça. J'avais été étonné par la lecture d'un article de Que choisir, l'Union fédérale des consommateurs, faisant un dossier consommateur. Et puis, finalement, c'était joint. Pour commenter, justement, on parlait de cosmétiques, parce que là, je crois qu'au niveau des cosmétiques, d'ailleurs, Que choisir a mené des campagnes assez longues et assez vigoureuses par rapport à ça. Et on était étonnés d'apprendre que les femmes utilisaient à peu près 25 à 30 cosmétiques par jour. Différents. Différent. Que ce soit les crèmes, les déodorants, tout c'est... Alors, il y a une des animatrices qui a reconnu, c'est ce que j'utilise quotidiennement, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut dire un petit mot de l'autopalpation des seins ? Oui. C'est important que les femmes surveillent leur propre sein. Et par une inspection, en regardant ses seins dans la glace. Alors, il faut regarder ses seins debout. En soulevant les bras. Pour voir si la peau du sein, le galbe, suit bien le mouvement des bras, pour voir s'il n'y a pas une zone du sein qui resterait adhérente au plan profond, pour voir s'il n'y a pas une zone de la peau du sein qui ressemblait à une peau d'orange. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut palper les seins. Le mieux, ce n'est pas de faire tous les jours, c'est de faire une fois par mois, après les règles, par exemple. Le mieux, c'est de faire sous la douche avec du gel douche. Parce que le gel douche, en glissant, la main glisse à plat sur le sein, bien à plat, pas le bout des doigts, bien à plat, permet une meilleure détection, une meilleure discrimination tactile de la moindre petite aspérité, de la moindre petite tumeur. C'est important de le faire. Il ne faut pas être obsédé par ça, mais il faut le faire une fois par mois, tranquillement sous la douche. Alors cette autopalpation, elle se fait debout sous la douche, mais elle peut aussi se faire coucher avec le sein bien étalé sur le grill costal, avec des mouvements de rotation de la main, qui et permet justement de mettre la main étant à plat, d'essayer de cerner si on ne sent pas quelque chose qui roule sous les doigts. La main doit être bien à plat. Si vous pincez avec le bout des doigts, vous arriverez toujours à pincer un élément glandulaire un petit peu plus dense que les autres et vous allez vous faire peur. Donc une main bien à plat. Pourquoi le faire ? Parce que ça permet, c'est un dépistage secondaire qui permet de diagnostiquer des toutes petites tumeurs de l'ordre de 1 cm à peine. Et ces tumeurs guérissent presque à 100%. Voilà, quasiment 100% si elles sont diagnostiquées tôt et petites. Et je crois que ça, c'est important. Pour une pathologie qui touche une femme sur 8, c'est quand même considérable. Voilà. Alors l'allaitement maternel, puisqu'on a effleuré le sujet tout à l'heure. Donc il voudrait le prolonger au moins jusqu'à 6 mois. Voilà, l'allaitement idéal pour éviter le cancer du sein, c'est un allaitement de 6 mois. Mais des allaitements de très longue durée, de plusieurs années... Ça bouscule des habitudes. Oui, de plusieurs années, par contre, on sent un facteur de risque de cancer du sein, inversement. Si une femme allaite 1 an, 2 ans, 3 ans, ça arrive, ça peut devenir un facteur de risque de cancer du sein. Ça a été lu, ça, c'est prouvé. Donc la durée idéale, ce serait bien 6 mois. Voilà. Et puis c'est peu compatible toujours avec nos modes de vie, avec le travail, avec... Mais... Si on doit conclure cette émission, quelle évolution par rapport à la détection, bien sûr, à la prévention du cancer du sein, au traitement, vous voyez pour l'avenir ? Je pense qu'à mon avis, le dépistage du cancer du sein par mammographie va être beaucoup aidé par l'intelligence artificielle. Car depuis quelque temps aux États-Unis, au MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology a développé une énorme masse de données et qui rentrent justement dans leurs ordinateurs et qui permettent d'analyser les mammographies qui ont été réalisées 5 à 6 ans avant l'apparition d'un cancer chez les femmes. Ce qui fait qu'en mettant toutes ces données dans leurs ordinateurs, ils arrivent maintenant à détecter des cancers beaucoup plus précocement que même avant l'apparition du cancer lui-même. Donc pour moi, je pense que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de capital et qui va se développer dans les prochaines décennies, même dans les prochaines années. Voilà. Et par rapport aux expositions potentielles, hein, parce qu'on voit de temps en temps des catastrophes qui risquent de se transformer en catastrophes sanitaires. Hein. On a vu récemment en Normandie, on voit aussi les pesticides qui sont distribués, y compris vis-à-vis des enfants dans les vignes. Bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Oui, ben c'est sûr que de ce côté, il y a quand même une prise de conscience quand même au niveau des politiques et surtout des scientifiques qui fait que peut-être on va arriver à faire baisser toutes ces molécules chimiques qui pourraient éventuellement nuire à nos enfants et à nos femmes dans l'avenir. Mais il faut lutter contre les lobbies et ça, c'est le grand problème. Mais malgré l'augmentation du cancer du sein en fréquence, on a une réduction de la mortalité. Oui. D'à peu près 1% par an, du fait des avancées thérapeutiques, des diagnostics plus précoces. Donc ça, c'est encourageant. Voilà. Je crois qu'on pourrait conclure là-dessus cette émission avec un message d'espoir pour toutes ces femmes qui s'angoissent un petit peu aujourd'hui. Hein. Et on dit que le stress, ça peut être un facteur de développement du cancer. Voilà, merci Jean, merci Didier hein, d'abord. Surtout Didier, puisqu'il a répondu à notre invitation un peu au dernier moment, hein, parce qu'on devait développer ça. Puis on ira peut-être vers une conférence avec André Cicolella, si on peut. Si on arrive à la voir, oui, ça serait oui, bien. Oui, on arrivera à la voir. Ça serait bien. C'est un ami de longue date, donc il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas. Voilà, encore bonne année alors. Meilleurs vœux et bonsoir à tous nos auditeurs.